présence. Humblement, Seigneur, nous voici prosternés. Nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant. Nous levons nos mains pures, nous sanctifions ton nom. Nous voulons te contempler. Nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant. Nous levons nos mains pures, nous sanctifions ton nom. Nous voulons te contempler. Jésus est Seigneur. Alléluia. Pas ta part.